champagne à la mine imposante et se donne des airs parmi les villageois. Il est bien vrai que son maître le rose parfois. Il est bien vrai que son maître le rose parfois. Mais ce n'est pas de cela qu'il se vante. Mais ce n'est pas de cela qu'il se vante. Mon Dieu, comme il mon cœur. Mon Dieu, comme il mon cœur. Devant lui qu'est le Seigneur. Mon Dieu, comme il mon cœur. Devant lui qu'est le Seigneur. Devant lui qu'est le Seigneur. Mon Dieu, comme il mon cœur. Mon Dieu, comme il mon cœur. Quelle tapage. Devant lui qu'est le Seigneur. Monsieur Champagne, ayant le cœur sensible, daigna sur les abaisser ses regards. Mais pour ses voeux la trouvant sans égard, mais pour ses voeux la trouvant sans égard, il fut surpris comme il n'est pas possible. Il fut surpris comme il n'est pas possible. Mon Dieu, comme il le bon cœur. Mon Dieu, mon Dieu, comme il mon cœur. Quel éclat de voix, pourquoi donc chanter si fort? Dans la main qui fait le Seigneur, dans la main qui fait le Seigneur.